Mwazi ya libara Songo nini Tango na mbona kayo Mote manangai Ebetaka magazi Malingio Tango na mbona kayo Mote manangai Ebetaka magazi Malingio Ozali fololo nangai Mote manangai Mwazi ya libara Songo nini Mbote Mwazi ya libara Songo nini Tango na mbona kayo Mote mayangai Ebetaka magazi Malingio Tango na mbona kayo Mote mayangai Ebetaka magazi Ozali fololo nangai, motema nangai. J'aime tomber dans géo, pilon pilé. Bonjour, madame m'a dit bonjour, ou m'envoyer. Bonjour, madame m'a dit bonjour, ou m'envoyer. Chaque fois qu'on a un doudou, quand on bat un coupillon, quand on a un pitimi, tellement m'aimé. Chaque fois qu'on a un doudou, Gambata kupilo, kape pile pitimi, tellement m'reme. Ou belle kou fleur dans paradis, ou belle ta kou zetwel. Chaque fois j'aime tomber dans géo, pilon pile. Mbote, mwazi ya libara, sango nini. Mbote, mwazi ya libara, sango nini. Mbona mbona kayo, mote mayangai, ebetaka magazi, malingio. Mbona mbona kayo, mote mayangai, ebetaka magazi, malingio. Ozali fololo nangai, mote mayangai. Bonjour, madame m'a dit bonjour, ou m'envoyer. Madame m'a dit bonjour, ou m'envoyer. Chaque fois m'a dit doudou, comme bata coupillon, papé pile pitini, tellement m'aimé. Chaque fois m'a dit doudou, comme bata coupillon, papé pile pitini, tellement m'aimé. Ou belle gouffle dans le paradis, ou belle la cousette, chaque fois j'aime tomber dans géo, pilon pile. J'aime tomber dans géo, bilan, bilé. Chaque fois j'aime tomber dans géo.